Ma deuxième série d'extraits concerne le Coran, dans ce qu'il a de particulier, dans sa spécificité. Le mot Coran, je vous l'ai dit, veut dire lecture, récitation, prédication religieuse, avec l'article Al, la lecture, la prédication par excellence. Ce livre, le Coran, n'est point inventé par quelque autre qu'Allah. Il est donné pour confirmer ce qui était avant lui et pour expliquer les Écritures qui viennent du Seigneur de l'univers. Il n'y a point de doute à cet égard. Ce livre-ci est une déclaration adressée aux hommes. Il sert de guide et d'avertissement à ceux qui craignent. Le Coran est un avertissement pour l'univers, pour ceux d'entre vous qui recherchent le sentier droit. Mais vous ne pouvez vouloir que ce que veut Allah, le souverain de l'univers. En vérité, ce Coran dirige vers le plus droit chemin. Il annonce le bonheur aux croyants qui pratiquent les bonnes œuvres. Ils recevront une récompense magnifique. Nous avons partagé le Coran en portions, afin que tu le récites aux hommes par pause. Nous l'avons fait descendre, réellement. Nous avons rendu le Coran facile en te le donnant dans ta langue, afin que par lui, tu annonces de belles promesses aux pieux et avertisses le peuple querelleur. C'est un livre que nous avons envoyé d'en haut, un livre béni, corroborant les écritures antérieures, afin que tu avertisses la mère des cités, la Mecque, et ses alentours. Ceux qui croient à la vie future croiront à ce livre et seront ex-observateurs de la prière. Si nous l'avions révélé à un homme d'une nation étrangère et qu'il eût récité aux infidèles, il n'y aurait pas ajouté foi. Nous n'avons point enseigné à Mohammed l'art de la poésie. Elle ne lui sied pas. Le Coran n'est qu'un avertissement et un livre évident. Allah t'a révélé la plus belle parole, un livre dont les paroles se ressemblent et se répètent. Nous n'abrégerons aucun verset de ce livre, ni n'en ferons effacer un seul de ta mémoire sans le remplacer par un autre, meilleur ou pareil. Ne sais-tu pas qu'Allah est tout-puissant? J'ai pris le risque de ne pas tenir compte de ce verset de la deuxième sourate, confiant dans la miséricorde d'Allah. Inch'Allah. La sourate 55 n'est-elle pas intitulée « Le miséricordieux » ? En effet, après l'énoncé du nombre qui la classe et du titre, les sourates ont tout un titre, sauf la première. Il est indiqué pour chacune des 114 sourates son lieu de révélation, la Mecque ou Médine, et le nombre de versets qu'elle contient. Vient ensuite, sauf dans la sourate 9, l'expression « Au nom de Dieu clément et miséricordieux » dans la traduction Garnier du XIXe siècle et « Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux » dans la traduction récente de Beyrouth. Donc, rien que dans l'intitulé, la miséricorde divine est évoquée plus de 200 fois, sans compter les répétitions à l'intérieur de très nombreux versets comme vous allez vite le remarquer. J'espère donc en cette miséricorde pour continuer à disloquer le Saint-Coran et vous citer quelques versets contenant plus spécialement maintenant Allah.